Chapitre 8. Les artilleurs se font prendre au sérieux. On entoura Gavroche, mais il n'eut le temps de rien raconter. Marius, frissonnant, le prit à part. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?»« Tiens, » dit l'enfant, « et vous ?» Et il regarda fixement Marius avec son effronterie épique. Ses deux yeux s'agrandissaient de la clarté fière qui était dedans. Ce fut avec un accent sévère que Marius continua. « Qui est-ce qui te disait de revenir ? As-tu au moins remis ma lettre à son adresse ?» Gavroche n'était point sans quelque remords à l'endroit de cette lettre. Dans sa hâte de revenir à la barricade, il s'en était défait plutôt qu'il ne l'avait remise. Il était forcé de s'avouer à lui-même qu'il l'avait confiée un peu légèrement à cet inconnu dont il n'avait même pu distinguer le visage. Il est vrai que cet homme était nu-tête, mais cela ne suffisait pas. En somme, il se faisait à ce sujet de petites remontrances intérieures et il craignait les reproches de Marius. Il prit pour se tirer d'affaire le procédé le plus simple. Il mentit abominablement. « Citoyen, j'ai remis la lettre au portier. La dame dormait, elle aura la lettre en se réveillant. » Marius, en envoyant cette lettre, avait deux buts. Dire adieu à Cosette et sauver Gavroche. Il dut se contenter de la moitié de ce qu'il voulait. L'envoi de sa lettre et la présence de M. Fauchelevent dans la barricade, ce rapprochement s'offrit à son esprit. Il montra à Gavroche M. Fauchelevent. « Connais-tu cet homme ?»« Non, » dit Gavroche. Gavroche, en effet, nous venons de le rappeler, n'avait vu Jean Valjean que la nuit. Les conjectures troubles et maladives qui s'étaient ébauchées dans l'esprit de Marius se dissipèrent. Connaissait-il les opinions de M. Fauchelevent ? M. Fauchelevent était républicain, peut-être. De là sa présence toute simple dans ce combat. Cependant, Gavroche était déjà à l'autre bout de la barricade, criant « Mon fusil !» Courfeyrac le lui fit rendre. Gavroche prévint les camarades, comme il les appelait, que la barricade était bloquée. Il avait eu grand-peine à arriver. Un bataillon de ligne, dont les faisceaux étaient dans la petite truanderie, observait le côté de la rue du Cygne. Du côté opposé, la garde municipale occupait la rue des Prêcheurs. En face, on avait le gros de l'armée. Ce renseignement donné, Gavroche ajouta « Je vous autorise à leur flanquer une pile indigne. » Cependant, Enjolras a son créneau, l'oreille tendue, épiait. Les assaillants, peu contents sans doute du coup à boulet, ne l'avaient pas répété. Une compagnie d'infanterie de ligne était venue occuper l'extrémité de la rue, en arrière de la pièce. Les soldats dépavaient la chaussée et construisaient avec les pavés une petite muraille basse, une façon d'épaulement qui n'avait guère plus de 18 pouces de hauteur et qui faisait front à la barricade. À l'angle de gauche de cet épaulement, on voyait la tête de colonne d'un bataillon de la banlieue, massé rue Saint-Denis. Enjolras, au guet, crut distinguer le bruit particulier qui se fait quand on retire des caissons les boîtes à mitraille, et il vit le chef de pièce changer le pointage et incliner légèrement la bouche du canon à gauche. Puis les canonniers se mirent à charger la pièce. Le chef de pièce saisit lui-même le bout de feu et l'approcha de la lumière. « Baissez la tête, ralliez le mur !» cria Enjolras. « Et tous à genoux le long de la barricade !» Les insurgés, épars devant le cabaret, et qui avaient quitté leur poste de combat à l'arrivée de Gavroche, se ruèrent pêle-mêle vers la barricade. Mais avant que l'ordre d'Enjolras fût exécuté, la décharge se fit avec le râle effrayant d'un coup de mitraille. C'en était un, en effet. La charge avait été dirigée sur la coupure de la redoute et avait ricoché sur le mur, et ce ricochet épouvantable avait fait 2 morts et 3 blessés. Si cela continuait, la barricade n'était plus tenable. La mitraille entrait. Il y eut une rumeur de consternation. « Empêchons toujours le second coup !» dit Enjolras. Et, abaissant sa carabine, il ajusta le chef de pièce. qui, en ce moment, penché sur la culasse du canot, rectifiait et fixait définitivement le pointage. Ce chef de pièce était un beau sergent de canonnier, tout jeune, blond, à la figure très douce, avec l'air intelligent, propre à cette arme prédestinée et redoutable, qui, à force de se perfectionner dans l'horreur, doit finir par tuer la guerre. Combeferre, debout près d'Enjolras, considérait ce jeune homme. « Quel dommage, dit Combeferre, la hideuse chose que ces boucheries. Allons, quand il n'y aura plus droit, il n'y aura plus de guerre. Enjolras, tu vises ce sergent, tu ne le regardes pas. Figure-toi que c'est un charmant jeune homme, il est intrépide, on voit qu'il pense. C'est très instruit, ces jeunes gens de l'artillerie. Il a un père, une mère, une famille, il aime probablement. Il a tout au plus 25 ans. Il pourrait être ton frère. » « Il l'est, dit Enjolras. Oui, reprit Combeferre, et le mien aussi. Eh bien, ne le tuons pas. Laisse-moi, il faut ce qu'il faut. » Et une larme coula lentement sur la joue de marbre d'Enjolras. En même temps, il pressa la détente de sa carabine. L'éclair jaillit. L'artilleur tourna deux fois sur lui-même, les bras étendus devant lui et la tête levée comme pour aspirer l'air, puis se renversa le flanc sur la pièce et y resta, sans mouvement. On voyait son dos, du centre duquel sortait tout droit un flot de sang. La balle lui avait traversé la poitrine de part en part. Il était mort. Il fallut l'emporter et le remplacer. C'était en effet quelques minutes de gagné. Chapitre 9. Emploi de ce vieux talent de braconnier et de ce coup de fusil infaillible qui a influé sur la condamnation de 1796. Les avis se croisaient dans la barricade. Le tir de la pièce allait recommencer. On n'en avait pas pour un quart d'heure avec cette mitraille. Il était absolument nécessaire d'amortir les coups. Enjolras jeta ce commandement. « Il faut mettre là un matelas. » « On n'en a pas, dit Combeferre, les blessés sont dessus. » Jean Valjean, assis à l'écart sur une borne, à l'angle du cabaret, son fusil entre les jambes, n'avait jusqu'à cet instant pris part à rien de ce qui se passait. Il semblait ne pas entendre les combattants dire autour de lui « Voilà un fusil qui ne fait rien !» À l'ordre donné par Enjolras, il se leva. On se souvient qu'à l'arrivée du rassemblement rue de la Chanvrerie, une vieille femme, prévoyant les balles, avait mis son matelas devant sa fenêtre. Cette fenêtre, fenêtre de grenier, était sur le toit d'une maison à 6 étages, située un peu en dehors de la barricade. Le matelas, posé en travers, appuyé par le bas sur 2 perches asséchées de linge, était soutenu en haut par 2 cordes. Qui de loin semblaient 2 ficelles et qui se rattachaient à des clous plantés dans les chambranles de la mansarde. On voyait ces 2 cordes distinctement sur le ciel, comme des cheveux. « Quelqu'un peut-il me prêter une carabine à 2 coups ?» dit Jean Valjean. Enjolras, qui venait de recharger la sienne, la lui tendit. Jean Valjean ajusta la mansarde et tira. Une des 2 cordes du matelas était coupée. Le matelas ne pendait plus que par un fil. Jean Valjean lâcha le 2nd coup. La 2e corde fouetta la vitre de la mansarde. Le matelas glissa entre les 2 perches et tomba dans la rue. La barricade applaudit. Toutes les voix crièrent « Voilà un matelas !»« Oui, dit Combeferre, mais qui l'ira chercher ?» Le matelas, en effet, était tombé en dehors de la barricade, entre les assiégés et les assiégeants. Or, la mort du sergent de canonnier ayant exaspéré la troupe, les soldats, depuis quelques instants, s'étaient couchés à plat ventre derrière la ligne de pavés qu'ils avaient élevée, et pour suppléer au silence forcé de la pièce qui se taisait en attendant que son service fût réorganisé, ils avaient ouvert le feu contre la barricade. Les insurgés ne répondaient pas à cette mousqueterie pour épargner les munitions. La fusillade se brisait à la barricade. Mais la rue, qu'elle remplissait de balles, était terrible. Jean Valjean sortit de la coupure, entra dans la rue, traversa l'orage de balles, alla au matelas, le ramassa, le chargea sur son dos et revint dans la barricade. Lui-même mit le matelas dans la coupure. Il l'y fixa contre le mur de façon que les artilleurs ne le vissent pas. Cela fait, on attendit le coup de mitraille. Il ne tarda pas. Le canon vomit avec un rugissement son paquet de chevrotines. Mais il n'y eut pas de ricochet. La mitraille avorta sur le matelas. L'effet prévu était obtenu. La barricade était préservée. « Citoyen, dit Enjolras à Jean Valjean, la République vous remercie. » Bossuet admirait et riait. Il s'écria « C'est immoral qu'un matelas ait tant de puissance. Triomphe de ce qui plie sur ce qui foudroie. Mais c'est égal. Gloire au matelas qui annule un canon. » Chapitre 10. Aurore. En ce moment-là, Cosette se réveillait. Sa chambre était étroite, propre, discrète, avec une longue croisée au levant sur l'arrière-cour de la maison. Cosette ne savait rien de ce qui se passait dans Paris. Elle n'était point là la veille, et elle était déjà rentrée dans sa chambre quand Toussaint avait dit « Il paraît qu'il y a du train ». Cosette avait dormi peu d'heures, mais bien. Elle avait eu de doux rêves, ce qui tenait peut-être un peu à ce que son petit lit était très blanc. Quelqu'un qui était Marius lui était apparu dans de la lumière. Elle se réveilla avec du soleil dans les yeux, ce qui d'abord lui fit l'effet de la continuation du songe. Sa première pensée sortant de ce rêve fut riante. Cosette se sentit toute rassurée. Elle traversait, comme Jean Valjean quelques heures auparavant, cette réaction de l'âme qui ne veut absolument pas du malheur. Elle se mit à espérer de toutes ses forces, sans savoir pourquoi. Puis un serrement de cœur lui vint. Voilà 3 jours qu'elle n'avait pas vu Marius. Mais elle se dit qu'il devait avoir reçu sa lettre, qu'il savait où elle était, et qu'il avait tant d'esprit, et qu'il trouverait moyen d'arriver jusqu'à elle. Et cela certainement aujourd'hui, et peut-être ce matin même. Il faisait grand jour, mais le rayon de lumière était très horizontal. Elle pensa qu'il était de très bonne heure, qu'il fallait se lever pourtant pour recevoir Marius. Elle sentait qu'elle ne pouvait vivre sans Marius, et que par conséquent cela suffisait, et que Marius viendrait. Aucune objection n'était recevable. Tout cela était certain. C'était déjà assez monstrueux d'avoir souffert 3 jours. Marius absent 3 jours. C'était horrible au bon Dieu. Maintenant, cette cruelle taquinerie d'en haut était une épreuve traversée. Marius allait arriver et apporterait une bonne nouvelle. Ainsi est faite la jeunesse. Elle est suivie de ses yeux. Elle trouve la douleur inutile et ne l'accepte pas. La jeunesse est le sourire de l'avenir devant un inconnu qui est lui-même. Il lui est naturel d'être heureuse. Il semble que sa respiration soit faite d'espérance. Du reste, Cosette ne pouvait parvenir à se rappeler ce que Marius lui avait dit au sujet de cette absence qui ne devait durer 1 jour, et quelle explication il lui en avait donnée. Tout le monde a remarqué avec quelle adresse une monnaie qu'on laisse tomber à terre court se cacher, et quel art elle a de se rendre introuvable. Il y a des pensées qui nous jouent le même tour. Elles se blottissent dans un coin de notre cerveau. C'est fini, elles sont perdues. Impossible de remettre la mémoire dessus. Cosette se dépitait quelque peu du petit effort inutile que faisait son souvenir. Elle se disait que c'était bien mal à elle et bien coupable d'avoir oublié des paroles prononcées par Marius. Elle sortit du lit et fit les 2 ablutions de l'âme et du corps, sa prière et sa toilette. On peut à la rigueur introduire le lecteur dans une chambre nuptiale, non dans une chambre virginale. Le vers l'oserait à peine, la prose ne le doit pas. C'est l'intérieur d'une fleur encore close, c'est une blancheur dans l'ombre, c'est la cellule intime d'un lys fermé qui ne doit pas être regardé par l'homme tant qu'il n'a pas été regardé par le soleil. La femme en bouton est sacrée. Ce lit innocent qui se découvre, cette adorable demi-nudité qui a peur d'elle-même, ce pied blanc qui se réfugie dans une pantoufle, cette gorge qui se voile devant un miroir, comme si ce miroir était une prunelle, cette chemise qui se hâte de remonter et de cacher l'épaule pour un meuble qui craque ou pour une voiture qui passe, ces cordons noués, ces agrafes accrochées, ces lacets tirés, ces tressaillements, ces petits frissons de froid et de pudeur, cet effarouchement exquis de tous les mouvements, cette inquiétude presque ailée là où rien n'est à craindre, les phases successives du vêtement aussi charmantes que les nuages de l'aurore, il ne sied point que tout cela soit raconté, et c'est déjà trop de l'indiquer. L'œil de l'homme doit être plus religieux encore devant le lever d'une jeune fille que devant le lever d'une étoile. La possibilité d'atteindre doit tourner en augmentation de respect. Le duvet de la pêche, la cendre de la prune, le cristal radié de la neige, l'aile du papillon poudré de plumes, sont des choses grossières auprès de cette chasteté qui ne sait pas même qu'elle est chaste. La jeune fille n'est qu'une lueur de rêve et n'est pas encore une statue. Son alcôve est cachée dans la partie sombre de l'idéal. L'indiscret toucher du regard brutalise cette vague pénombre. Ici, contempler, c'est profaner. Nous ne montrerons donc rien de tout ce suave petit remis-ménage du réveil de Cosette. Un conte d'Orient dit que la rose avait été faite par Dieu blanche. Mais qu'Adam l'ayant regardée au moment où elle s'en trouvait, elle eut honte et devint rose. Nous sommes de ceux qui se sentent interdits devant les jeunes filles et les fleurs, les trouvant vénérables. Cosette s'habilla bien vite, se peigna, se coiffa, ce qui était fort simple en ce temps-là, où les femmes n'enflaient pas leurs boucles et leurs bandeaux avec des coussinets et des tonnelets et ne mettaient point de crinoline dans leurs cheveux. Puis elle ouvrit la fenêtre et promena ses yeux partout autour d'elle, espérant découvrir quelque peu de la rue, un angle de maison, un coin de pavé, et pouvoir guetter là Marius. Mais on ne voyait rien du dehors. L'arrière-cour était enveloppée de murs assez hauts et n'avait pour échappée que quelques jardins. Cosette déclara ces jardins hideux. Pour la première fois de sa vie, elle trouva des fleurs laides. Le moindre bout de ruisseau du carrefour eût été bien mieux son affaire. Elle prit le parti de regarder le ciel, comme si elle pensait que Marius pouvait venir aussi de là. Subitement, elle fondit en larmes. Non que ce fût mobilité d'âme, mais désespérance coupée d'accablement, c'était sa situation. Elle sentit confusément on ne sait quoi d'horrible. Les choses passent dans l'air, en effet. Elle se dit qu'elle n'était sûre de rien, que se perdre de vue, c'était se perdre. Et l'idée que Marius pourrait bien lui revenir du ciel lui apparut, non plus charmante, mais lugubre. Puis, tels sont ces nuages, le calme lui revint. Et l'espoir, et une sorte de sourire inconscient, mais confiant en Dieu. Tout le monde était encore couché dans la maison. Un silence provincial régnait. Aucun volet n'était poussé. La loge du portier était fermée. Toussaint n'était pas levé. Et Cosette pensa tout naturellement que son père dormait. Il fallait qu'elle eût bien souffert, et qu'elle souffrit bien encore. Car elle se disait que son père avait été méchant. Mais elle comptait sur Marius. L'éclipse d'une telle lumière était décidément impossible. Elle pria. Par instant, elle entendait à une certaine distance des espèces de secousses sourdes, et elle disait « C'est singulier qu'on ouvre et qu'on ferme les portes cochères de si bonne heure. » C'étaient les coups de canon qui battaient la barricade. Il y avait, à quelques pieds au-dessous de la croisée de Cosette, dans la vieille corniche toute noire du mur, un nid de martinet. L'encorbellement de ce nid faisait un peu saillie au-delà de la corniche, si bien que d'en haut, on pouvait voir le dedans de ce petit paradis. La mère y était, ouvrant ses ailes en éventail sur sa couvée. Le père voletait, s'en allait, puis revenait, rapportant dans son bec de la nourriture. Et des baisers. Le jour levant dorait cette chose heureuse. La grande loi multipliée était là, souriante et auguste, et ce doux mystère s'épanouissait dans la gloire du matin. Cosette, les cheveux dans le soleil, l'âme dans les chimères, éclairée par l'amour au-dedans et par l'aurore au-dehors, se pencha comme machinalement, et, sans presque oser s'avouer qu'elle pensait en même temps à Marius, se mit à regarder ces oiseaux, cette famille, ce mâle et cette femelle, cette mère et ses petits, avec le trouble profond qu'un nid donne à une vierge. Chapitre 11. Le coup de fusil qui ne manque rien et qui ne tue personne. Le feu des assaillants continuait. La mousqueterie et la mitraille alternaient sans grand ravage à la vérité. Le haut de la façade de Corinthe souffrait seul. La croisée du premier étage et les mansardes du toit, criblées de chevrotines et de biscayens, se déformaient lentement. Les combattants qui s'y étaient postés avaient dû s'effacer. Du reste, ceci est une tactique de l'attaque des barricades. Tirailler longtemps afin d'épuiser les munitions des insurgés, s'ils font la faute de répliquer. Quand on s'aperçoit, au ralentissement de leur feu, qu'ils n'ont plus ni balles ni poudre, on donne l'assaut. Enjolras n'était pas tombé dans ce piège. La barricade ne ripostait point. À chaque feu de peloton, Gavroche se gonflait la joue avec sa langue, signe de haut dédain. « C'est bon, disait-il, déchirez de la toile, nous avons besoin de charpie. » Courfeyrac interpellait la mitraille sur son peu d'effet et disait au canon « Tu deviens diffus, mon bonhomme !» Dans la bataille, on s'intrigue comme au bal. Il est probable que ce silence de la redoute commençait à inquiéter les assiégeants et à leur faire craindre quelque incident inattendu, et qu'ils sentirent le besoin de voir clair à travers ce tas de pavés, et de savoir ce qui se passait derrière cette muraille impassible qui recevait les coups sans y répondre. Les insurgés aperçurent subitement un casque qui brillait au soleil sur un toit voisin. Un pompier était adossé à une haute cheminée et semblait là en sentinelle. Son regard plongeait à pic dans la barricade. « Voilà un surveillant gênant, » dit Enjolras. Jean Valjean avait rendu la carabine d'Enjolras, mais il avait son fusil. Sans dire un mot, il ajusta le pompier, et une seconde après, le casque, frappé d'une balle, tombait bruyamment dans la rue. Le soldat effaré se hâta de disparaître. Un deuxième observateur prit sa place. Celui-ci était un officier. Jean Valjean, qui avait rechargé son fusil, ajusta le nouveau venu et envoya le casque de l'officier rejoindre le casque du soldat. L'officier n'insista pas et se retira très vite. Cette fois, l'avis fut compris. Personne ne reparut sur le toit, et l'on renonça à espionner la barricade. « Pourquoi n'avez-vous pas tué l'homme ?» demanda Bossuet à Jean Valjean. Jean Valjean ne répondit pas. Chapitre 12. Le désordre, partisan de l'ordre. Bossuet murmura à l'oreille de Combeferre. Il n'a pas répondu à ma question. « C'est un homme qui fait de la bonté à coups de fusil, » dit Combeferre. Ceux qui ont gardé quelques souvenirs de cette époque déjà lointaine savent que la garde nationale de la banlieue était vaillante contre les insurrections. Elle fut particulièrement acharnée et intrépide aux journées de juin 1832. Tel bon cabaretier de Pantin, des Vertus ou de la Cunette, dont l'émeute faisait chômer l'établissement, devenait léonin en voyant sa salle de danse déserte et se faisait tuer pour sauver l'ordre représenté par la guinguette. Dans ce temps, à la fois bourgeoise et héroïque, en présence des idées qui avaient leur chevalier, les intérêts avaient leur paladin. Le prosaïsme du mobile n'ôtait rien à la bravoure du mouvement. La décroissance d'une pile d'écus faisait chanter à des banquiers la Marseillaise. On versait lyriquement son sang pour le comptoir, et l'on défendait avec un enthousiasme lacédémonien la boutique,

atteignit la compagnie avant qu'elle eût pu regagner l'angle de la rue, son abri. Un moment, elle fut prise entre deux mitrailles, et elle reçut la volée de la pièce en batterie qui, n'ayant pas d'ordre, n'avait pas discontinué son feu. L'intrépide et imprudent Fannicot fut un des morts de cette mitraille. Il fut tué par le canon, c'est-à-dire par l'ordre. Cette attaque, plus furieuse que sérieuse, irrita Enjolras. « Les imbéciles, dit-il, ils font tuer leurs hommes et ils nous usent nos munitions pour rien. » Enjolras parlait comme un vrai général d'émeute qu'il était. L'insurrection et la répression ne luttent point à armes égales. L'insurrection, promptement épuisable, n'a qu'un nombre de coups à tirer et qu'un nombre de combattants à dépenser. Une giberne vidée, un homme tué, ne se remplace pas. La répression, ayant l'armée, ne compte pas les hommes, et, ayant Vincennes, ne compte pas les coups. La répression a autant de régiments que la barricade a d'hommes, et autant d'arsenaux que la barricade a de cartouchières. Aussi sont-ce là des luttes d'un contre cent, qui finissent toujours par l'écrasement des barricades. À moins que la révolution, surgissant brusquement, ne vienne jeter dans la balance son flamboyant glaive d'archange. Cela arrive. Alors, tout se lève, les pavés entrent en bouillonnement, les redoutes populaires pullulent, Paris tressaille souverainement, le quid divinum se dégage, un 10 août est dans l'air, un 29 juillet est dans l'air, une prodigieuse lumière apparaît, la gueule béante de la force recule, et l'armée, ce lion, voit devant elle, debout et tranquille, ce prophète, la France. Chapitre 13. Lueur qui passe. Dans le chaos de sentiments et de passions qui défendent une barricade, il y a de tout. Il y a de la bravoure, de la jeunesse, du point d'honneur, de l'enthousiasme, de l'idéal, de la conviction, de l'acharnement de joueurs, et surtout des intermittences d'espoir. Une de ces intermittences, un de ces vagues frémissements d'espérance, traversa subitement, à l'instant le plus inattendu, la barricade de la chanvrerie. « Écoutez !» s'écria brusquement Enjolras, toujours aux aguets. « Il me semble que Paris s'éveille !» Il est certain que dans la matinée du 6 juin, l'insurrection eut, pendant une heure ou deux, une certaine recrudescence. L'obstination du tocsin de Saint-Méry ranima quelques velléités. Rue du Poirier, rue des Gravilliers, des barricades s'ébauchèrent. Devant la porte Saint-Martin, un jeune homme, armé d'une carabine, attaqua seul un escadron de cavalerie. À découvert, en plein boulevard, il mit un genou à terre, épaula son arme, tira, tua le chef d'escadron et se retourna en disant « En voilà encore un qui ne nous fera plus de mal !» Il fut sabré. Rue Saint-Denis, une femme tirait sur la garde municipale, de derrière une jalousie baissée. On voyait à chaque coup trembler les feuilles de la jalousie. Un enfant de 14 ans fut arrêté rue de la Cossonnerie, avec ses poches pleines de cartouches. Plusieurs postes furent attaqués. À l'entrée de la rue Bertin-Poiré, une fusillade très vive et tout à fait imprévue accueillit un régiment de cuirassiers, en tête duquel marchait le général Cavaignac de Baragne. Rue Planche-Mibray, on jeta du haut des toits sur la troupe de vieux tessons de vaisselle et des ustensiles de ménage. Mauvais signe. Et quand on rendit compte de ce fait au maréchal Soult, le vieux lieutenant de Napoléon devint rêveur, se rappelant le mot de Suchet à Saragosse. « Nous sommes perdus quand les vieilles femmes nous vident leur peau de chambre sur la tête. » Ces symptômes généraux qui se manifestaient au moment où l'on croyait l'émeute localisée, cette fièvre de colère qui reprenait le dessus, ces flamèches qui volaient çà et là au-dessus de ces masses profondes de combustible qu'on nomme les faubourgs de Paris, tout cet ensemble inquiéta les chefs militaires. On se hâta d'éteindre ces commencements d'incendie. On retarda, jusqu'à ce que ces pétillements furent étouffés, l'attaque des barricades Maubuée de la chanvrerie et de sa mairie, afin de n'avoir plus affaire qu'à elle et de pouvoir tout finir d'un coup. Des colonnes furent lancées dans les rues en fermentation, balayant les grandes, sondant les petites, à droite, à gauche, tantôt avec précaution et lentement, tantôt au pas de charge. La troupe enfonçait les portes des maisons d'où l'on avait tiré. En même temps, des manœuvres de cavalerie dispersaient les groupes des boulevards. Cette répression ne se fit pas sans rumeur et sans ce fracas tumultueux propre au choc d'armées et de peuples. C'était là ce qu'Enjolras, dans les intervalles de la canonnade et de la mousqueterie, saisissait. En outre, il avait vu au bout de la rue passer des blessés sur des civières, et il disait à Courfeyrac « Ces blessés-là ne viennent pas de chez nous. » L'espoir dura peu. La lueur s'éclipsa vite. En moins d'une demi-heure, ce qui était dans l'air s'évanouit. Ce fut comme un éclair sans foudre. Et les insurgés sentirent retomber sur eux cette espèce de chape de plomb que l'indifférence du peuple jette sur les obstinés abandonnés. Le mouvement général qui semblait s'être vaguement dessiné avait avorté, et l'attention du ministre de la guerre et la stratégie des généraux pouvaient se concentrer maintenant sur les 3 ou 4 barricades restées debout. Le soleil montait sur l'horizon. Un insurgé interpella Enjolras. « On a faim ici. Est-ce que vraiment nous allons mourir comme ça, sans manger ?» Enjolras, toujours accoudé à son créneau, sans quitter des yeux l'extrémité de la rue, fit un signe de tête affirmatif. Chapitre 14. Où on lira le nom de la maîtresse d'Enjolras. Courfeyrac, assis sur un pavé à côté d'Enjolras, continuait d'insulter le canon. Et chaque fois que passait, avec son bruit monstrueux, cette sombre nuée de projectiles qu'on appelle la mitraille, il l'accueillait par une bouffée d'ironie. « Tu t'époumones, mon pauvre vieux brutal, tu me fais de la peine, tu perds ton vacarme, ce n'est pas du tonnerre, ça, c'est de la toux !» Et l'on riait autour de lui. Courfeyrac et Bossuet, dont la vaillante belle humeur croissait avec le péril, remplaçaient, comme Madame Scarron, la nourriture par la plaisanterie, et, puisque le vin manquait, versait à tous de la gaieté. « J'admire Enjolras, disait Bossuet, sa témérité impassible m'émerveille. Il vit seul, ce qui le rend peut-être un peu triste. Enjolras se plaint de sa grandeur qu'il attache au veuvage. Nous autres, nous avons tous plus ou moins des maîtresses qui nous rendent fous, c'est-à-dire braves. Quand on est amoureux comme un tigre, c'est bien le moins qu'on se batte comme un lion. C'est une façon de nous venger des traits que nous font, mesdames, nos grisettes. Roland se fait tuer pour faire bisquer Angélique. Tous nos héroïsmes viennent de nos femmes. Un homme sans femme, c'est un pistolet sans chien. C'est la femme qui fait partir l'homme. Eh bien, Enjolras n'a pas de femme. Il n'est pas amoureux et il trouve le moyen d'être intrépide. C'est une chose inouïe qu'on puisse être froid comme la glace et hardi comme le feu. » Enjolras ne paraissait pas écouter, mais quelqu'un qui eût été près de lui l'eût entendu murmurer à demi-voix « Patria !» Bossuet riait encore quand Courfeyrac s'écria « Du nouveau !» et prenant une voix d'huissier qui annonce, il ajouta « Je m'appelle Pièce de Huit !» En effet, un nouveau personnage venait d'entrer en scène. C'était une deuxième bouche à feu. Les artilleurs firent rapidement la manœuvre de force et mirent cette seconde pièce en batterie près de la première. Ceci ébauchait le dénouement. Quelques instants après, les deux pièces, vivement servies, tiraient de front contre la redoute. Les feux de peloton de la ligne et de la banlieue soutenaient l'artillerie. On entendait une autre canonnade à quelque distance. En même temps que deux pièces s'acharnaient sur la redoute de la rue de la Chanvrerie, deux autres bouches à feu, braquées l'une rue Saint-Denis, l'autre rue Aubry-le-Boucher, criblaient la barricade Saint-Méry. les quatre canons se faisaient lugubrement écho. Les aboiements des sombres chiens de la guerre se répondaient. Des deux pièces qui battaient maintenant la barricade de la rue de la Chanvrerie, l'une tirait à mitraille, l'autre à boulet. La pièce qui tirait à boulet était pointée un peu haut, et le tir était calculé de façon que le boulet frappait le bord extrême de l'arête supérieure de la barricade, l'arrêtait et émiettait les pavés sur les insurgés en éclats de mitraille. Ce procédé de tir avait pour but d'écarter les combattants du sommet de la redoute et de les contraindre à se pelotonner dans l'intérieur, c'est-à-dire que cela annonçait l'assaut. Une fois les combattants chassés du haut de la barricade par le boulet et des fenêtres du cabaret par la mitraille, les colonnes d'attaque pourraient s'aventurer dans la rue sans être visées, peut-être même sans être aperçues. Escalader brusquement la redoute, comme la veille au soir, et qui sait, la prendre par surprise. « Il faut absolument diminuer l'incommodité de ces pièces, » dit Enjolras. Et il cria « Feu sur les artilleurs !» Tous étaient prêts. La barricade, qui se taisait depuis si longtemps, fit feu éperdument. 7 ou 8 décharges se succédèrent, avec une sorte de rage et de joie. La rue s'emplit d'une fumée aveuglante, et au bout de quelques minutes, à travers cette brume toute rayée de flammes, on put distinguer confusément les 2/3 des artilleurs couchés sous les roues des canons. Ceux qui étaient restés debout continuaient de servir les pièces avec une tranquillité sévère. Mais le feu était ralenti. « Voilà qui va bien !» dit Bossuet à Enjolras. « Succès !» Enjolras hocha la tête et répondit « Encore un quart d'heure de ce succès, et il n'y aura plus 10 cartouches dans la barricade. » Il paraît que Gavroche entendit ce mot. Chapitre 15. Gavroche dehors. Courfeyrac, tout à coup, aperçut quelqu'un au bas de la barricade, dehors, dans la rue, sous les balles. Gavroche avait pris un panier à bouteilles dans le cabaret, était sorti par la coupure et était paisiblement occupé à vider dans son panier les gibernes pleines de cartouches des gardes nationaux tués sur le talus de la redoute. « Qu'est-ce que tu fais là ? » dit Courfeyrac. Gavroche leva le nez. « Citoyen, j'emplis mon panier. Tu ne vois donc pas la mitraille ?» Gavroche répondit. « Eh bien, il pleut, après. » Courfeyrac cria. « Rentre !» Tout à l'heure, fit Gavroche. Et d'un bond, il s'enfonça dans la rue. On se souvient que la compagnie Fannicot, en se retirant, avait laissé derrière elle une traînée de cadavres. Une 20aine de morts gisaient, çà et là, dans toute la longueur de la rue sur le pavé. Une 20aine de gibernes pour Gavroche. Une provision de cartouches pour la barricade. La fumée était dans la rue comme un brouillard. Quiconque a vu un nuage tomber dans une gorge de montagne entre 2 escarpements à pic peut se figurer cette fumée resserrée et comme épaissie par 2 sombres lignes de hautes maisons. Elle montait lentement et se renouvelait sans cesse. De là un obscurcissement graduel qui blêmissait même le plein jour. C'est à peine si d'un bout à l'autre de la rue, pourtant fort courte, les combattants s'apercevaient. Cet obscurcissement, probablement voulu et calculé par les chefs qui devaient diriger l'assaut de la barricade, fut utile à Gavroche. Sous les plis de ce voile de fumée, et grâce à sa petitesse, il put s'avancer assez loin dans la rue sans être vu. Il dévalisa les 7 ou 8 premières gibernes sans grand danger. Il rampait à plat ventre, galopait à 4 pattes, prenait son panier aux dents, se tordait, glissait, ondulait, serpentait d'un mort à l'autre, et vidait la giberne ou la cartouchière comme un singe ouvre une noix. De la barricade, dont il était encore assez près, on osait lui crier de revenir, de peur d'appeler l'attention sur lui. Sur un cadavre, qui était un caporal, il trouva une poire à poudre. « Pour la soif, » dit-il en la mettant dans sa poche. À force d'aller en avant, il parvint au point où le brouillard de la fusillade devenait transparent. si bien que les tirailleurs de la ligne rangée et à l'affût derrière leur levée de pavés, et les tirailleurs de la banlieue, massés à l'angle de la rue, se montrèrent soudainement quelque chose qui remuait dans la fumée. Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent gisant près d'une borne, une balle frappa le cadavre. « Fichtre ! » fit Gavroche. « Voilà qu'on me tue mes morts !» Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième renversa son panier. Gavroche regarda et vit que cela venait de la banlieue. Il se dressa tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l'œil fixé sur les gardes nationaux qui tiraient, et il chanta. On est les à Nanterre, c'est la faute à Voltaire, et bête à Palaiso, c'est la faute à Rousseau. Puis il ramassa son panier, y remit, sans en perdre une seule, les cartouches qui en étaient tombées, et avançant vers la fusillade, alla dépouiller une autre giberne. Là, une quatrième balle le manqua encore. Gavroche chanta. « Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. » Une cinquième balle ne réussit qu'à tirer de lui un troisième couplet. « Joie est mon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère est mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. » Cela continua ainsi quelque temps. Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de porte, puis rebondissait, disparaissait, reparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez. Et cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier. Les insurgés, haletants d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait. Lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme, c'était un étrange gamin fait. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui, il était plus leste qu'elle. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu follé. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri. Mais il y avait de l'anté dans ce pygmée. Pour le gamin toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant, un long filet de sang rayait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup et se mit à chanter. « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... » Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit la face contre le pavé et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler. Chapitre 16. Comment de frère on devient père. Il y avait en ce moment-là même, dans le jardin du Luxembourg, car le regard du drame doit être présent partout, deux enfants qui se tenaient par la main. L'un pouvait avoir 7 ans, l'autre 5. La pluie les ayant mouillés, ils marchaient dans les allées du côté du soleil. L'aîné conduisait le petit. Ils étaient en haillons et pâles. Ils avaient un air d'oiseau fauve. Le plus petit disait « J'ai bien faim ». L'aîné, déjà un peu protecteur, conduisait son frère de la main gauche et avait une baguette dans sa main droite. Ils étaient seuls dans le jardin. Le jardin était désert. Les grilles étaient fermées par mesure de police à cause de l'insurrection. Les troupes qui y avaient bivouaqué en étaient sorties pour les besoins du combat. Comment ces enfants étaient-ils là? Peut-être s'étaient-ils évadés de quelque corps de garde entrebâillé. peut-être aux environs, à la barrière d'enfer, ou sur l'esplanade de l'observatoire, ou dans le carrefour voisin dominé par le fronton, où on lit « In venerunt parvulum panis in volutum », y avait-il quelques baraques de saltimbanques dont il s'était enfui? Peut-être avait-il, la veille au soir, trompé l'œil des inspecteurs du jardin à l'heure de la clôture, et avait-il passé la nuit dans quelqu'une de ces guérites où on lit les journaux? Le fait est qu'ils étaient errants et qu'ils semblaient libres. Être errant et sembler libre, c'est être perdu. Ces pauvres petits étaient perdus, en effet. Ces deux enfants étaient ceux-là même dont Gavroche avait été en peine, et que le lecteur se rappelle. Enfants des Thénardier, en location chez la Magnon, attribué à M. Gillenormand, et maintenant feuilles tombées de toutes ses branches sans racines et roulées sur la terre par le vent. Leurs vêtements, propres du temps de la Magnon et qui lui servaient de prospectus vis-à-vis de M. Gillenormand, étaient devenus guenilles. Ces êtres appartenaient désormais à la statistique des enfants abandonnés, que la police constate, ramasse, égare et retrouve sur le pavé de Paris. Il fallait le trouble d'un tel jour pour que ces petits misérables fussent dans ce jardin. Si les surveillants les eussent aperçus, ils eussent chassé ces haillons. Les petits pauvres n'entrent pas dans les jardins publics. Pourtant, on devrait songer que comme enfants, ils ont droit aux fleurs. Ceux-ci étaient là, grâce aux grilles fermées. Ils étaient en contravention. Ils s'étaient glissés dans le jardin et ils y étaient restés. Les grilles fermées ne donnent pas congé aux inspecteurs. La surveillance est censée continuer, mais elle s'amollit et se repose. Et les inspecteurs, émus eux aussi par l'anxiété publique et plus occupés du dehors que du dedans, ne regardaient plus le jardin et n'avaient pas vu les deux délinquants. Il avait plu la veille et même un peu le matin, mais en juin, les ondées ne comptent pas. C'est à peine si l'on s'aperçoit, une heure après un orage, que cette belle journée blonde a pleuré. La terre en été est aussi vite sèche que la joue d'un enfant. À cet instant du solstice, la lumière du plein midi est, pour ainsi dire, poignante. Elle prend tout. Elle s'applique et se superpose à la terre avec une sorte de succion. On dirait que le soleil a soif. Une averse est un verre d'eau. Une pluie est tout de suite bue. Le matin, tout ruisselait, l'après-midi, tout poudroie. Rien n'est admirable comme une verdure débarbouillée par la pluie et essuyée par le rayon. C'est de la fraîcheur chaude. Les jardins et les prairies, ayant de l'eau dans leurs racines et du soleil dans leurs fleurs, deviennent des cassolettes d'encens et fument de tous leurs parfums à la fois. Tout rit, chante et s'offre. On se sent doucement ivre. Le printemps est un paradis provisoire. Le soleil aide à faire patienter l'homme. Il y a des êtres qui n'en demandent pas davantage. Vivants qui, ayant l'azur du ciel, disent « c'est assez ». Songeurs absorbés dans le prodige, puisant dans l'idolâtrie de la nature l'indifférence du bien et du mal. Contemplateurs du cosmos radieusement distraits de l'homme, qui ne comprennent pas qu'on s'occupe de la faim de ceci, de la soif de cela, de la nudité du pauvre en hiver, de la courbure lymphatique d'une petite épine dorsale, du grabat, du grenier, du cachot et des haillons des jeunes filles grelottantes, quand on peut rêver sous les arbres. Esprits paisibles et terribles, impitoyablement satisfaits. Chose étrange, l'infini leur suffit. Ce grand besoin de l'homme, le fini, qui admet l'embrassement, il l'ignore. Le fini qui admet le progrès, ce travail sublime, il n'y songe pas. L'indéfini, qui naît de la combinaison humaine et divine de l'infini et du fini, leur échappe. Pourvu qu'ils soient face à face avec l'immensité, ils sourient. Jamais la joie, toujours l'extase. S'abîmer, voilà leur vie. L'histoire de l'humanité pour eux n'est qu'un plan parcellaire. Tout n'y est pas. Le vrai tout reste en dehors. À quoi bon s'occuper de ce détail, l'homme ? L'homme souffre, c'est possible. Mais regardez donc Aldébaran qui se lève. La mère n'a plus de lait, le nouveau-né se meurt. Je n'en sais rien. Mais considérez donc cette rosace merveilleuse que fait une rondelle de l'aubier du sapin examinée au microscope. Comparez-moi la plus belle maline à cela. Ces penseurs oublient d'aimer. Le zodiaque réussit sur eux au point de les empêcher de voir l'enfant qui pleure. Dieu leur éclipse l'âme. C'est là une famille d'esprits, à la fois petits et grands. Horace en était, Goethe en était, La Fontaine peut-être. Magnifiques égoïstes de l'infini, spectateurs tranquilles de la douleur, qui ne voient pas Néron s'il fait beau, auquel le soleil cache le bûcher. Qui regarderait guillotiner en y cherchant un effet de lumière, qui n'entendent ni le cri, ni le sanglot, ni le râle, ni le tocsin. Pour qui tout est bien, puisqu'il y a le mois de mai. Qui, tant qu'il y aura des nuages de pourpre et d'or au-dessus de leur tête, se déclarent contents, et qui sont déterminés à être heureux jusqu'à épuisement du rayonnement des astres et du chant des oiseaux. Ce sont de radieux ténébreux. Ils ne se doutent pas qu'ils sont à plaindre. Certes, ils le sont. Qui ne pleure pas, ne voit pas. Il faut les admirer et les plaindre, comme on plaindrait et comme on admirerait un être à la fois nuit et jour, qui n'aurait pas d'yeux sous les sourcils et qui aurait un astre au milieu du front. L'indifférence de ces penseurs, c'est là, selon quelques-uns, une philosophie supérieure. Soit, mais dans cette supériorité, il y a de l'infirmité. On peut être immortel et boiteux, témoin Vulcain. On peut être plus qu'homme et moins qu'homme. L'incomplet immense est dans la nature. Qui sait si le soleil n'est pas un aveugle? Mais alors quoi? À qui se fier? Solem quis dicere falsum odeat. Ainsi de certains génies eux-mêmes, de certains très hauts humains, des hommes astres, pourrait se tromper. Ce qui est là-haut, au fait, au sommet, au zénith, ce qui envoie sur la terre tant de clarté, verrait peu, verrait mal, ne verrait pas. Cela n'est-il pas désespérant? Non. Mais qu'y a-t-il donc au-dessus du soleil? Le Dieu. Le 6 juin 1832, vers 11 heures du matin, le Luxembourg, solitaire et dépeuplé, était charmant. Les quinconces et les parterres s'envoyaient dans la lumière des baumes et des éblouissements. Les branches, folles à la clarté de midi, semblaient chercher à s'embrasser. Il y avait dans les sycomores un tintamarre de fauvettes. Les passereaux triomphaient. Les piquebois grimpaient le long des marronniers en donnant de petits coups de bec dans les trous de l'écorce. Les plates-bandes acceptaient la royauté légitime des lys. Le plus auguste des parfums, c'est celui qui sort de la blancheur. On respirait l'odeur poivrée des œillets. Les vieilles corneilles de Marie de Médicis étaient amoureuses dans les grands arbres. Le soleil dorait, empourprait et allumait les tulipes, qui ne sont autre chose que toutes les variétés de la flamme faites fleurs. Tout autour des bancs de tulipes tourbillonnaient les abeilles, étincelles de ces fleurs-flammes. Tout était grâce et gaieté, même la pluie prochaine. Cette récidive, dont les muguets et les chèvrefeuilles devaient profiter, n'avait rien d'inquiétant. Les hirondelles faisaient la charmante menace de voler bas. Qui était là aspirait du bonheur. La vie sentait bon. Toute cette nature exhalait la candeur, le secours, l'assistance, la paternité, la caresse, l'aurore. Les pensées qui tombaient du ciel étaient douces, comme une petite main d'enfant qu'on baise. Les statues sous les arbres, nues et blanches, avaient des robes d'ombre trouées de lumière. Ces déesses étaient toutes déguenillées de soleil. Il leur pendait des rayons de tous les côtés. Autour du grand bassin, la terre était déjà séchée au point d'être presque brûlée. Il faisait assez de vent pour soulever ça et là de petites émeutes de poussière. Quelques feuilles jaunes, restées du dernier automne, se poursuivaient joyeusement et semblaient gaminer. L'abondance de la clarté avait on ne sait quoi de rassurant. Vie, sève, chaleur, effluve débordaient. On sentait sous la création l'énormité de la source. Dans tous ces souffles pénétrés d'amour, dans ce va-et-vient de réverbérations et de reflets, dans cette prodigieuse dépense de rayons, dans ce versement indéfini d'or fluide, on sentait la prodigalité de l'inépuisable. Et derrière cette splendeur, comme derrière un rideau de flammes, on entrevoyait Dieu, ce millionnaire d'étoiles. Grâce au sable, il n'y avait pas une tache de boue. Grâce à la pluie, il n'y avait pas un grain de cendre. Les bouquets venaient de se laver. Tous les velours, tous les satins, tous les vernis, tous les ors qui sortent de la terre sous forme de fleurs étaient irréprochables. Cette magnificence était propre. Le grand silence de la nature heureuse emplissait le jardin. Silence céleste, compatible avec mille musiques, roucoulement de nuit, bourdonnement des seins, palpitation du vent. Toute l'harmonie de la saison s'accomplissait dans un gracieux ensemble. Les entrées et les sorties du printemps avaient lieu dans l'ordre voulu. Les lilas finissaient, les jasmins commençaient. Quelques fleurs étaient attardées, quelques insectes en avance. L'avant-garde des papillons rouges de juin fraternisait avec l'arrière-garde des papillons blancs de mai. Les platanes faisaient peau neuve. La brise creusait des ondulations dans l'énormité magnifique des marronniers. C'était splendide. Un vétéran de la caserne voisine, qui regardait à travers la grille, disait « Voilà le printemps au port d'armes et en grande tenue. » Toute la nature déjeunait. La création était à table. C'était l'heure. La grande nappe bleue était mise au ciel et la grande nappe verte sur la terre. Le soleil éclairait à giorno. Dieu servait le repas universel. Chaque être avait sa pâture ou sa pâtée. Le ramier trouvait du chènevis, le pinson trouvait du millet, le chardonneret trouvait du mouron, le rouge-gorge trouvait des vers, l'abeille trouvait des fleurs, la mouche trouvait des infusoires, le verdier trouvait des mouches. On se mangeait bien un peu les uns les autres, ce qui est le mystère du mal mêlé au bien. Mais pas une bête n'avait l'estomac vide. Les deux petits abandonnés étaient parvenus près du grand bassin. Et, un peu troublés par toute cette lumière, ils tâchaient de se cacher, instinct du pauvre et du faible devant la magnificence, même impersonnelle. Et ils se tenaient derrière la baraque des cygnes. Ça et là, par intervalles, quand le vent donnait, on entendait confusément des cris, une rumeur, des espèces de râles tumultueux, qui étaient des fusillades et des frappements sourds, qui étaient des coups de canon. Il y avait de la fumée au-dessus des toits du côté des halles. Une cloche qui avait l'air d'appeler sonnait au loin. Ses enfants ne semblaient pas percevoir ces bruits. Le petit répétait de temps en temps à demi-voix « J'ai faim !» Presque au même instant que les deux enfants, un autre couple s'approchait du grand bassin. C'était un bonhomme de 50 ans qui menait par la main un bonhomme de 6 ans. Sans doute le père avec son fils. Le bonhomme de 6 ans tenait une grosse brioche. À cette époque, de certaines maisons riveraines, rue Madame et rue d'Enfer, avaient une clé du Luxembourg, dont jouissaient les locataires quand les grilles étaient fermées. Tolérance supprimée depuis. Ce père et ce fils sortaient sans doute d'une de ces maisons-là. Les deux petits pauvres regardèrent venir ce monsieur et se cachèrent un peu plus. Celui-ci était un bourgeois. le même peut-être qu'un jour Marius, à travers sa fièvre d'amour, avait entendu, près de ce même grand bassin, conseillant à son fils d'éviter les excès. Il avait l'air affable et altier, et une bouche qui, ne se fermant pas, souriait toujours. Ce sourire mécanique, produit par trop de mâchoires et trop peu de peau, montre les dents plutôt que l'âme. L'enfant, avec sa brioche mordue qu'il n'achevait pas, semblait gavé. L'enfant était vêtu en garde nationale à cause de l'émeute, et le père était resté habillé en bourgeois à cause de la prudence. Le père et le fils s'étaient arrêtés près du bassin où s'ébattaient les deux cygnes. Ce bourgeois paraissait avoir pour les cygnes une admiration spéciale. Il leur ressemblait en ce sens qu'ils marchaient comme eux. Pour l'instant, les cygnes nageaient, ce qui est leur talent principal, et ils étaient superbes. Si les deux petits pauvres eussent écouté et eussent été d'âge à comprendre, ils eussent pu recueillir les paroles d'un homme grave. Le père disait au fils : Le sage vit content de peu. Regarde-moi, mon fils, je n'aime pas le faste. Jamais on ne me voit avec des habits chamarrés d'or et de pierreries. Je laisse ce faux éclat aux âmes mal organisées. Ici, les cris profonds qui venaient du côté des halles éclatèrent avec un redoublement de cloches et de rumeurs. « Qu'est-ce que c'est que cela ? » demanda l'enfant. Le père répondit « Ce sont des saturnales. » Tout à coup, il aperçut les deux petits déguenillés, immobiles derrière la maisonnette verte des cygnes. « Voilà le commencement, » dit-il. Et après un silence, il ajouta « L'anarchie entre dans ce jardin. » Cependant, le fils mordit la brioche, la recracha et brusquement se mit à pleurer. « Pourquoi pleures-tu ? » demanda le père. « Je n'ai plus faim, » dit l'enfant. Le sourire du père s'accentua. « On n'a pas besoin de faim pour manger un gâteau. Mon gâteau m'ennuie, il est rassis. Tu n'en veux plus ? » ?»« Non. » Le père lui montra les cygnes. « Jette-le à ses palmipèdes !» L'enfant hésita. « On ne veut plus de son gâteau, ce n'est pas une raison pour le donner. » Le père poursuivit. « Sois humain, il faut avoir pitié des animaux !» Et, prenant à son fils le gâteau, il le jeta dans le bassin. Le gâteau tomba assez près du bord. Les cygnes étaient loin, au centre du bassin, et occupés à quelques proies. Ils n'avaient vu ni le bourgeois ni la brioche. Le bourgeois, sentant que le gâteau risquait de se perdre, et ému de ce naufrage inutile, se livra à une agitation télégraphique qui finit par attirer l'attention des cygnes. Ils aperçurent quelque chose qui surnageait, virèrent de bord comme des navires qu'ils sont, et se dirigèrent vers la brioche lentement, avec la majesté béate qui convient à des bêtes blanches. « Les cygnes comprennent les cygnes, » dit le bourgeois, heureux d'avoir de l'esprit. En ce moment, le tumulte lointain de la ville eut encore un grossissement subit. Cette fois, ce fut sinistre. Il y a des bouffées de vent qui parlent plus distinctement que d'autres. Celle qui soufflait en cet instant-là apporta nettement des roulements de tambour, des clameurs, des feux de peloton et les répliques lugubres du tocsin et du canon. Ceci coïncida avec un nuage noir qui cacha brusquement le soleil. Les cygnes n'étaient pas encore arrivés à la brioche. « Rentrons !» dit le père. « On attaque les Tuileries !» Il ressaisit la main de son fils, puis il continua. « Des Tuileries au Luxembourg, il n'y a que la distance qui sépare la royauté de la Pairie. Ce n'est pas loin, les coups de fusil vont pleuvoir. » Il regarda le nuage. Et peut-être aussi la pluie elle-même va pleuvoir. Le ciel s'en mêle. La branche cadette est condamnée. Rentrons vite. « Je voudrais voir les cygnes manger la brioche, » dit l'enfant. Le père répondit, « Ce serait une imprudence. » Et il emmena son petit bourgeois. Le fils, regrettant les cygnes, tourna la tête vers le bassin jusqu'à ce qu'un coude des quinconces le lui eût caché. Cependant, en même temps que les cygnes, les deux petits errants s'étaient approchés de la brioche. Elle flottait sur l'eau. Le plus petit regardait le gâteau, le plus grand regardait le bourgeois qui s'en allait. Le père et le fils entrèrent dans le labyrinthe d'allées qui mène au grand escalier du massif d'arbres du côté de la rue Madame. Dès qu'ils ne furent plus en vue, l'aîné se coucha vivement à plat ventre sur le rebord arrondi du bassin et, s'y cramponnant de la main gauche, penché sur l'eau, presque prêt à y tomber, étendit avec sa main droite sa baguette vers le gâteau. Les cygnes, voyant l'ennemi, se hâtèrent et, en se hâtant, firent un effet de poitrail utile aux petits pêcheurs. L'eau devant les cygnes reflua et l'une de ses molles ondulations concentriques poussa doucement la brioche vers la baguette de l'enfant. Comme les cygnes arrivaient, la baguette toucha le gâteau. L'enfant donna un coup vif, ramena la brioche, effraya les cygnes, saisit le gâteau et se redressa. Le gâteau était mouillé. Mais ils avaient faim et soif. L'aîné fit deux parts de la brioche, une grosse et une petite, prit la petite pour lui, donna la grosse à son petit frère et lui dit « Colle-toi ça dans le fusil !» Chapitre 17. Mortus pater filium moriturum expectat. Marius s'était élancé hors de la barricade. Combeferre l'avait suivi. Mais il était trop tard. Gavroche était mort. Combeferre rapporta le panier de cartouches. Marius rapporta l'enfant. Hélas, pensait-il, ce que le père avait fait pour son père, il le rendait au fils. Seulement Thénardier avait rapporté son père vivant. Lui, il rapportait l'enfant mort. Quand Marius rentra dans la redoute avec Gavroche dans ses bras, il avait, comme l'enfant, le visage inondé de sang. À l'instant où il s'était baissé pour ramasser Gavroche, une balle lui avait effleuré le crâne. Il ne s'en était pas aperçu. Courfeyrac défit sa cravate et en banda le front de Marius. On déposa Gavroche sur la même table que Mabeuf et l'on étendit sur les deux corps le châle noir. Il y en eut assez pour le vieillard et pour l'enfant. Combeferre distribua les cartouches du panier qu'il avait rapporté. Cela donnait à chaque homme 15 coups à tirer. Jean Valjean était toujours à la même place, immobile sur sa borne. Quand Combeferre lui présenta ses 15 cartouches, il secoua la tête. « Voilà un rare excentrique !» dit Combeferre bas à Enjolras. « Il trouve moyen de ne pas se battre dans cette barricade. »« Ce qui ne l'empêche pas de la défendre, » répondit Enjolras. « L'héroïsme a ses originaux, » reprit Combeferre. Et Courfeyrac, qui avait entendu, ajouta « C'est un autre genre que le père Mabeuf. » Chose qu'il faut noter, le feu qui battait la barricade en troublait à peine l'intérieur. Ceux qui n'ont jamais traversé le tourbillon de ces sortes de guerres ne peuvent se faire aucune idée des singuliers moments de tranquillité mêlés à ces convulsions. On va et vient, on cause, on plaisante, on flâne. Quelqu'un que nous connaissons a entendu un combattant lui dire au milieu de la mitraille « Nous sommes ici comme à un déjeuner de garçons. » La redoute de la rue de la Chanvrerie, nous le répétons, semblait au-dedans fort calme. Toutes les péripéties et toutes les phases avaient été ou allaient être épuisées. La position de critique était devenue menaçante, et de menaçante allait probablement devenir désespérée. À mesure que la situation s'assombrissait, la lueur héroïque empourprait de plus en plus la barricade. Enjolras, grave, la dominait, dans l'attitude d'un jeune spartiate, dévouant son glaive nu au sombre génie Épilotas. Combeferre, le tablier sur le ventre, pansait les blessures. Bossuet et Feuilly faisaient des cartouches avec la poire à poudre cueillie par Gavroche sur le caporal mort. Et Bossuet disait à Feuilly « Nous allons bientôt prendre la diligence pour une autre planète. » Courfeyrac, sur les quelques pavés qu'il s'était réservés près d'Enjolras, disposait et rangeait tout un arsenal, sa canne à épée, son fusil, deux pistolets d'arçon et un coup de poing, avec le soin d'une jeune fille qui met en ordre un petit Dunkerque. Jean Valjean, muet, regardait le mur en face de lui. Un ouvrier s'assujettissait sur la tête avec une ficelle un large chapeau de paille de la mère Hucheloup. « De peur des coups de soleil, » disait-il. Les jeunes gens de la Cougourde d'Aix devisaient gaiement entre eux, comme s'ils avaient hâte de parler patois une dernière fois. Joly, qui avait décroché le miroir de la veuve Hucheloup, y examinait sa langue. Quelques combattants, ayant découvert des croûtes de pain à peu près moisies dans un tiroir, les mangeaient avidement. Marius était inquiet de ce que son père allait lui dire.